Document G, chapitre 12e, feuillet pour une légende, attentat de Fatia Yazoruba, Léonid Sergueïevitch Kikov. Fragment du brouillon. Quel espace politique et économique demain? Charles de Gaulle et François Mitterrand, que je réunis sous le vocable de patriote au risque de surprendre, nous appellent à réfléchir non pas tant sur la tourmente de la Seconde Guerre mondiale qu'ils ont vécue, que sur la place que devrait occuper la France dans le concert des nations avec l'impératif de rester fidèle à sa destinée et à son histoire. Au début était Charles de Gaulle. Je vois dans l'action du général deux prises de position qui me paraissent essentielles, l'une face à Walter Hallstein, l'autre face à l'Angleterre. De Gaulle fut le tombeur de Walter Hallstein, dont le plan reflétait l'éternelle confrontation entre Gaulois et Germains, entre Français et Teutons. La particularité de ces deux peuples, c'était que depuis Bismarck, les Allemands ne changeaient de gouvernement que lorsqu'ils étaient certains que les nouveaux venus ne changeraient pas de politique. Les Français, eux, héritiers de la tradition révolutionnaire de 1789, ne recherchaient de changement que pour pouvoir continuer à couper les têtes de leurs dirigeants en place. Charles de Gaulle comprit très vite que Hallstein était resté le nazi qu'il avait toujours été. Le général se rappelait des propos que les ducs de Guise tenaient sur Henri IV, passé du protestantisme au catholicisme, parce que Paris valait bien une messe. Les instigateurs de la Saint-Barthélemy disaient du roi de Navarre « La caque sent toujours le hareng ». Autrement dit, quoi que faisait le Navarrais, il était rattrapé par ses origines, comme les harengs qui, entassés dans une caque, imprégnaient le tonneau d'une odeur si forte qu'il était impossible ensuite de l'en débarrasser. Hallstein ne pourrait jamais se défaire de l'odeur fétide du nazisme qui émanait de toutes ses initiatives. Malgré une campagne de dénigrement orchestrée contre lui par la presse et les lobbies européistes et atlantistes, le président de la République opposa son veto au nom de la France et pratiqua la politique de la chaise vide pour faire tomber la commission. En 1967, de Gaulle obtint gain de cause. Il freina pour un temps, mais pour un temps seulement, la mise en place du plan de Maison Rouge dont l'objectif, décidé à Strasbourg en 1944, était d'instaurer un quatrième Reich. Outre le tombeur de Walter Hallstein, le général de Gaulle fut l'opposant, obstiné, de la rentrée de l'Angleterre dans l'Europe. Il voyait en elle le cheval de Troie des Américains. En 1967, comme 4 ans auparavant, de Gaulle mit son veto à la deuxième candidature britannique à la Communauté économique européenne. La demande de l'Angleterre s'était même trouvée refusée avant l'ouverture de toute négociation. Le chef d'État français rappela les réserves émises par les Britanniques 10 ans plus tôt sur la naissance de l'Europe. Selon lui, il y avait incompatibilité entre les orientations économiques anglaises, totalement intégrées au système américain, et les ambitions des 6. Il dénonça le refus des Anglais d'adhérer aux principes de la politique agricole commune, qui les contraignait à renoncer à leurs approvisionnements à bas prix sur le marché mondial ou auprès des pays du Commonwealth. De plus, l'Angleterre s'avérait trop endettée est trop fragile pour intégrer, sans la déséquilibrer, une communauté qui affichait, elle, une santé monétaire insolente. Fidèle à la méfiance millénaire que la perfide Albion inspirait aux Français, le général de Gaulle ne voyait ni l'intérêt ni la pertinence d'inviter un cannibale à sa table. Alors Mitterrand vint. Si l'on compulse les archives du Foreign Office datant de la fin du bloc de l'Est, de la chute du mur de Berlin, on constate que François Mitterrand et Margaret Thatcher, la dame de fer, craignaient que l'Allemagne retrouve son unité et son statut de première puissance européenne. « J'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux », aurait écrit au temps de la guerre froide l'écrivain François Mauriac. Telle était sans doute la pensée du premier président socialiste français. D'après Charles Powell, secrétaire privé de la dame de fer, l'ancien déporté du Stalag 9A de Ziegenhain, Mitterrand, craignait que les gouvernements français et britanniques ne se retrouvent dans la même situation que leurs prédécesseurs des années 1930 et que, comme eux, ils soient incapables de réagir. Le spectre de l'expansionnisme allemand et de la capitulation de Daladier et Chamberlain à Munich en 1938 ne quittait pas Mitterrand, convaincu que son puissant voisin, à nouveau en pleine possession de tous ses moyens, ne manquerait pas de vouloir récupérer les territoires perdus après la guerre et s'étendre peut-être plus encore que sous Hitler. Pour tenter de sauver une république démocratique d'Allemagne en perdition, il joua son batou en allant signer à Berlin-Est un accord bilatéral de coopération. Le mur de Berlin était déjà tombé et la RDA était déjà en train de se retrouver ensevelie sous ses décombres. Le locataire de l'Élysée guette alors le moindre signe qui tendrait à prouver que les dirigeants d'Outre-Rhin seraient tentés de renouer avec leurs vieux démons. Les faits lui donnèrent raison. L'inéluctable processus de réunification allemande, qui arriva dès le 3 octobre 1990, surprit autant Mitterrand que Thatcher. Les Allemands de l'Est votèrent avec leurs pieds. La RDA se transforma en coquille vide. Cette accélération de l'histoire eut pour conséquence le début des conflits dans les Balkans. Selon la conception nazie de 1941, le Reich devait avoir pour noyau dur le Grosse Wirtschaftsraum, le grand espace économique arien, c'est-à-dire l'Allemagne elle-même, l'Autriche, la Bohême, la Moravie, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Hongrie, la Slovénie, la Croatie et la Scandinavie. Cette zone, qui recouvrait exactement les terres occupées par les peuples germaniques, nordiques et assimilés comme les Magyars ou les Slaves protestants d'Europe centrale, expliquait l'empressement de l'Allemagne à reconnaître l'indépendance de Ljubljana et de Zagreb. Après les sécessions successives de la Slovénie, de la Croatie et de la Bosnie, l'implosion de la Fédération de Yougoslavie risquait, comme l'attentat de Sarajevo en 1914, de mettre à nouveau le feu aux poudres tant en Europe que dans le monde. C'était un impératif de la politique allemande qui valait bien que l'on court à nouveau ce risque. Sarajevo, la majestueuse ville multiethnique et multiculturelle, allait cette fois payer de son sang le retour d'une vision raciale de la carte des frontières de l'Europe. Cette vision horrible et cauchemardesque, que l'on avait cru éteinte en même temps que le brasier du bunker d'Hitler, était au contraire la réalisation des plus noirs desseins des dirigeants berlinois. Pour affronter ces spectres d'autrefois, Mitterrand pensa reforger les alliances de naguère. La politique extérieure française, durant les dernières années de sa présidence, s'efforça de faire renaître l'esprit de l'entente cordiale de la première moitié du XXe siècle. Français et Anglais posaient le même diagnostic. Les nouvelles républiques slovènes et croates, par leur passé austro-hongrois et leur situation géographique, étaient vouées à retomber dans la sphère d'influence de l'Allemagne. Celle-ci ne tarda pas d'ailleurs à soutenir deux hommes qui avaient servi ses desseins à l'époque nazie. Le premier fut le musulman bosniaque Izetbegovic, sorte de créature de Frankenstein, mi-nazi, mi-wahhabite. Ceux d'entre vous qui ont suivi les récents événements de l'Altaï, où la Russie a été contrainte d'écraser un complot salafiste, ne sont pas sans savoir que les combattants de la division Hantchar y ont été engagés. Je rappelle que Hantchar signifie « cimetière » en bosnien. Ces troupes étaient les héritières de celles qui composaient la division SS bosniaque datant de l'époque de Hitler. Force nous est de constater que la lame du cimetière n'a pas tenu le choc face au chashka, l'épée traditionnelle des soldats russes, léguée par les cosaques du tsar. Le second pantin de l'Allemagne s'appelait Franjo Tudjman, un croate dont le nouvel état-nation avait repris pour armoirie les différents symboles des Oustachi, un groupe d'insurgés pro-nazis, qui, entre 1941 et 1945, exterminèrent 700 000 personnes, dont 600 000 serbes, le reste étant des juifs et des tziganes. Puisque l'Allemagne soutenait ses alliés traditionnels dans les Balkans, le président Mitterrand comprit très vite que lui aussi se devait d'être fidèle aux principes immuables qui guidaient la géostratégie française. Seule une Serbie forte pouvait, comme jadis, freiner l'expansionnisme allemand tant redouté. Il fallait donc soutenir Milosevic et son projet de Grande Serbie, même si cela faisait de la Bosnie une victime expiatoire. D'ailleurs, qu'était-ce la Bosnie? C'était un État qui n'en était pas réellement un. C'était une construction artificielle de Tito. Elle était composée de Slaves qui avaient collaboré avec l'occupant ottoman en trahissant leur peuple et leur religion, de Croates qui n'aspiraient qu'à rejoindre la mère patrie, de Serbes qui souhaitaient la même chose de leur côté. Le jusqu'au boutisme allemand à reconnaître l'émiettement de l'ancienne Yougoslavie n'avait d'autre but que de diviser pour mieux régner. Mais surtout, l'Allemagne voulait la perte des Serbes, ces Slaves orthodoxes qui avaient l'outrecuidance d'être à la fois russophiles et francophiles. La guerre du Kosovo, qui intervint plus tard, signa le triomphe de la politique balkanique allemande. Cette province, qui avait été le berceau de la Serbie et qui, au gré de l'histoire, fut colonisée par des Albanais, obtint elle aussi le droit de se détacher de la Serbie. elle utilisa tout d'abord le Deutschmark, puis l'euro, dans le cadre d'un protectorat, qui n'osa jamais dire son nom, mais qui démontrait au monde entier que l'aigle allemand, désormais remplumé, avait repris son vol en Mitteleuropa, comme dans les Balkans. François Mitterrand avait déclaré « Moi, vivant, jamais, vous m'entendez bien, jamais, la France ne fera la guerre à la Serbie. » Cela lui valut la haine farouche des défenseurs de la cause bosniaque. Ils manifestèrent à Paris avec des pancartes qu'ils représentaient debout sur les crânes des victimes musulmanes. Il était écrit en légende « François Ier, roi des Serbes ». Je le dis, Mitterrand fut le dernier président à défendre les intérêts immémoriaux de sa patrie et une certaine idée de la France. Après Mitterrand, lentement mais sûrement, la France est soumise aux lois de l'Europe allemande. 80% des textes et règlements sont des directives européennes du Quatrième Reich. Grâce à la politique monétaire menée par la Banque centrale de Francfort, l'Euromark impose sa loi, celle des rentiers de Baden-Baden, des industriels de la Ruhr et du gouvernement de Berlin. La France voit disparaître le peu d'emplois industriels qui lui restaient. Les coupes sombres dans ses services publics sonnent le glas de son état-providence hérité du Conseil national de la Résistance. Elle ne joue plus que les supplétifs militaires des États-Unis dans les territoires où il ne vaut pas la peine qu'un Américain perde la vie puisqu'il n'y a pas de pétrole. Avec les présidents successifs, les Français se sont trouvés une utilité, cireur de pompe de l'Allemagne et neveu docile des États-Unis. L'oncle Sam, dans tout cela. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que depuis plus de 70 ans, les États-Unis, tel un Deus ex machina, tirent les ficelles des pantins européens au gré de ses intérêts ou de ses lubies. Depuis la fin de la guerre froide, la politique européenne des USA ne vise qu'un but, empêcher la construction d'une Europe allant de l'Atlantique à l'Oural, selon les mots du général de Gaulle. Il y a très longtemps, observait-il, que les Français, les Belges, les Hollandais, les Rhénans et quelques autres naissent du côté où le soleil se couche. Il y a très longtemps que d'autres Européens naissent du côté où le soleil se lève. Je ne vois pas pourquoi ceux de la première catégorie renieraient leur qualité d'occidentaux, et je ne vois aucun inconvénient à ce que les autres proclament leur qualité d'Européens de l'Est. Tous sont Européens. Bien évidemment, pour les Américains, une telle perspective n'était même pas concevable. Or, non content de reprendre le général Plan Ost, schéma directeur pour l'Est, ils se mirent à poursuivre à marche forcée, sous couvert de favoriser l'élargissement de l'Europe, le programme d'extension plein Est. C'était d'ailleurs ce que suggérait la stratégie qui devait fournir au Reich son espace vital, le tristement célèbre Lebensraum. Ce programme, venant dans le droit fil de la solution finale du problème juif en Europe, prévoyait un nettoyage ethnique dans les territoires de l'Europe de l'Est occupés par la Wehrmacht. Il était envisagé d'éradiquer des terres conquises par le Troisième Reich, les 60 millions de personnes peuplant la Pologne et l'URSS, pour y installer définitivement des Allemands de souche. De Reichskommissariat devait venir au contact de l'Ostland, dont le siège était à Riga. Ce territoire, jadis en Russie, devait intégrer la Biélorussie, rejoindre le Reichskommissariat d'Ukraine et incorporer les Pays-Baltes, considérés comme ariens. Ce n'était pas sans raison que les Lettons avaient adhéré à l'OTAN dès 2004 et que 10 ans plus tard, les Américains avaient favorisé la résurgence du nationalisme ukrainien. Les USA, qui souhaitaient encore s'approcher des frontières russes, prétextaient l'établissement d'un cordon sanitaire, comme ils l'avaient fait un siècle plus tôt, au sortir de la Première Guerre mondiale. La grande peur des États-Unis était de voir leurs alliés européens leur échapper au profit d'un vaste espace économique et politique eurasien, comprenant les pays de l'ancien bloc communiste et les pays de l'Union européenne. Ce projet avait été évoqué en son temps par le général de Gaulle, puis par François Mitterrand. Comme vous le constatez, nous en revenons toujours à ces deux illustres présidents. Le penseur anglo-saxon Halford Mackinder disait « Celui qui contrôle l'Eurasie contrôle le monde ». En effet, l'Ukraine et ses grandes plaines offraient un espace adapté à l'armement moderne pour une invasion rapide menée par des divisions de chars d'assaut. L'analyse géostratégique de Mackinder aurait pu se résumer par la formule « Qui tient l'Europe orientale tient le Heartland ». Qui tient le Heartland domine l'île mondiale. Qui domine l'île mondiale domine le monde. Cette théorie faisait écho à l'analyse de Walter Raleigh. Ce grand navigateur britannique avait déclaré « Qui tient la mer tient le commerce du monde ». qui tient le commerce, tient la richesse. Qui tient la richesse du monde, tient le monde lui-même. Les géostratèges américains modifièrent les préceptes de leurs cousins anglais. Nicholas Pikeman, le plus éminent d'entre eux, reprit la thèse du Heartland, chère à Mackinder, mais pour la dépasser. Pour lui, la planète était composée d'un cœur, lui-même enserré dans un corset de fer. Un anneau de terre l'entourait, le Rimland. Selon lui, et contrairement à Mackinder, c'était le pays qui détenait le Rimland qui contrôlait le Heartland, et par voie de conséquence, le monde. Cela me rappelle un personnage de Tolkien, le magicien Gandalf. Il plane, d'une voix basse et caverneuse, un anneau pour le seigneur ténébreux sur son sombre trône, au pays de Mordor où s'étendent les ombres, un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres, les lier. Revenons à notre propos. Je pense qu'avec la fin de la guerre froide, les Américains perdirent une once de légitimité à s'être mêlés d'une part de l'Europe, comme débouché naturel de ses produits et de sa culture, d'autre part du Moyen-Orient, comme principal fournisseur d'or noir. Dans ces deux espaces, qui étaient ses partenaires économiques centraux, les USA compensèrent leur déficit de notoriété en réinventant des épouvantails. L'administration de George W. Bush, le Saruman du Texas, créa le concept « axe du mal ». Face à la menace islamiste qui avait fait trembler le monde le 11 septembre 2001 en abattant les tours du World Trade Center, les Américains se devaient d'être le gendarme du monde, le fer de lance de la démocratie occidentale. Ils oubliaient que Ben Laden avait été leur créature avant de leur échapper et de se retourner contre eux, mort dans la main, qu'il avait grassement nourri. Pour éviter une unification du continent européen, il fallait continuer à diaboliser la Russie. On revint aux errements de l'époque soviétique. On assimila, à marche forcée, les anciens pays satellites d'Europe centrale et orientale. On amena à pleurer sur le sort réservé aux islamistes tchétchènes. On bafoua la géographie en intégrant à l'OTAN des pays aux portes de la Russie. Enfin, au nom d'une prétendue volonté d'intégration européenne, on déclencha des guerres fratricides en Géorgie et en Ukraine. Vous connaissez tous le flegme et le côté libéral de Dmitri Anatolievitch Kozakov. Vous n'ignorez pas non plus qu'il fut durement brocardé par la presse russe pour avoir accepté d'être invité en villégiature à Camp David. J'ai le sentiment que l'on oublie qu'à l'époque où il fut président de la Fédération de Russie, il fut contraint de rappeler à son homologue américain de ne pas pousser mes mères dans les orties, comme on le dit ici. Il ne manqua jamais de faire savoir tout au long de son mandat que la Russie reste le seul pays au monde capable de transformer les États-Unis en un petit tas de cendres radioactives. Au terme de cette réflexion de géopolitique comparée, et si l'on prend la peine de l'approfondir, on verra qu'il n'est rien que l'on puisse finir par reconnaître comme une vérité alternative. On constatera aussi que le temps affine la pensée, et en définitive que, certes, le présent est déroutant, mais que le passé éclaire l'avenir. Puis cette conclusion, au demeurant empirique, plus que totalement étayée, vous invitez à explorer cette voie qui permet de tirer des leçons de l'histoire. Victor Ilitch Leonov, Université de Paris-Dauphine.